L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Polyeucte, tragédie de Pierre Corneille, mise en scène par Brigitte, Jacques Wagemann, l'une de nos invitées aujourd'hui. Alors, une pièce, d'ailleurs, on parlait de théâtre et politique, je crois savoir que vous étiez déjà intervenu dans une édition précédente pour la pièce Tendre et cruelle. Peut-être rebondir sur ce qui vient de se dire là, à l'instant, avec Jean-Joël Le Chapelain, sur le lien, l'association entre théâtre et politique. Vous, metteur en scène, ouais. Ça doit vous parler, forcément. Oui, forcément. À mon sens, c'est... je suis très, très ravie de participer à ce projet, parce que pour moi, le théâtre est toujours politique, d'une certaine manière, et même parler comme la question est de l'existence en société, l'être ensemble, que pose depuis toujours, enfin, le théâtre, depuis les Grecs, enfin, depuis l'invention même du théâtre. Et ça, c'est magnifique. J'ai monté une série, justement, de corneilles, que j'appelle les corneilles coloniaux, dont deux sont arrivés ici à Cergy-Pontoise, qui étaient Nicomède et Suréna, et qui posent, en effet, le problème à la fois colonial, c'est-à-dire du rapport de Rome sur les colonisés, et qui dit des choses qui sont encore extraordinairement contemporaines, enfin, qui nous parlent beaucoup. Et tout récemment, donc, j'ai monté Polyeucte, et là, c'est une autre question qui s'est posée, c'est-à-dire, c'est la question du fanatisme, et qui est une question très, très violente. La décision que j'avais prise de monter cette pièce, au départ, je ne pensais pas jamais monter cette pièce, elle me paraissait une pièce édifiante, religieuse, c'était pas tout à fait mon projet. Mais quand j'ai vu même les images des destructions des statues de Mossoul, quand j'ai vu les destructions de Palmyre, je me suis dit, il faut absolument se saisir de ce sujet. Et on voit dans Polyeucte un jeune homme qui est charmant, un jeune marié, très heureux apparemment avec sa femme, qui se fait baptiser et qui, revenant du baptême, apparaît comme un fanatique. C'est-à-dire, tout d'un coup, la pulsion de mort, le désir de mort, et sous la bannière d'un Dieu unique qui doit absolument tuer, défaire, détruire ce qu'il appelle les idoles, surgit. On ne sait pas d'où ça vient. Et c'est très très intéressant, parce que aujourd'hui encore, on voit les très jeunes gens qui tout d'un coup se vont en Syrie, vont ailleurs comme ça, enfin dans ces zones-là, et on a le sentiment que quelque chose comme ça les prend aussi d'un désir de mort, d'un désir délétère comme ça. Alors ce qui est curieux, effectivement, ce qui semble même incroyable, c'est pratiquement la même histoire, le même scénario, la même résonance avec ces actualités que vous rappelez, à Mossoul comme à Palmyre, et plus anciennement ce qui s'est produit aussi également en Afghanistan. Absolument. On a tous le souvenir de ces grands bouddhas, voilà, monumentales, qui ont été détruits sur le même principe. Absolument. Sur le même principe. Donc là, un jeune homme plutôt charmant, comme vous décrivez, où le mariage qui et son avènement devrait produire autre chose qu'un fanatique. Et là, il s'en prend aux idoles païennes, disons les choses, et en particulier, là, au statut des dieux romains, qu'il considère donc comme des idoles païennes. Et tout ça est très soudain. Curieusement, on décrit aujourd'hui, quand on entend ce qui se passe depuis ces dernières années en France et dans le monde, on a l'impression de revivre les mêmes scènes. Non, mais tout à fait. Et son mentor, celui qui l'a guidé vers le christianisme, lui dit, mais vous voulez donc mourir? Et lui répond, vous aimez donc à vivre. Ça m'a paru quelque chose d'absolument effrayant. Et c'est une des raisons aussi pourquoi je l'ai monté. Cela dit, il y a dans la pièce une jeune femme un personnage féminin absolument extraordinaire, qui est donc la femme de Paulieu, Pauline, mais qui a vécu une histoire d'amour extraordinaire avec un Romain, mais qui a été, dont le père a interdit cet amour. Et puis ce jeune homme réapparaît, et elle est comme ça divisée entre Paulieu et entre ce jeune homme. Et ça donne à la pièce une sorte de une sensualité, une charnalité, je sais pas si je puis dire cela, extraordinaire. Et on a peu à peu, on peut comprendre que quelque part l'ennemi pour le jeune baptisé qu'il est, c'est la femme. Je te suis odieuse après m'être donnée, dit-elle à Paulieu. Elle essaie de l'arracher à ce désir de mort de toutes ses forces. Et elle n'y arrive pas. Finalement, il meurt. Son sang, il est décapité. Son sang rejaillit sur elle. C'est une sorte de baptême du sang, ce qui était absolument effroyable. Quand je l'ai monté, les attaques en France venaient d'avoir lieu. Enfin, c'était terrible. On pensait à cela. Et elle arrive à la fin de la pièce. Alors ça, c'est dans ma mise en scène et dans l'interprétation que j'en fais. C'est-à-dire, elle en devient folle. Mais elle est baptisée, elle se sent baptisée, donc elle dit ça y est, je crois en Dieu, elle est complète. Et son père, qui est une canaille, qui est le gouverneur du pays, gouverneur romain du pays, comme ça, tout d'un coup lui-même aussi se sent baptisé. Et il y a une sorte de folie contagieuse à la fin, terrible, une sorte de douleur. Et la mort, finalement, comment dire, couvre tout le champ de la scène. Et c'est alors que je fais entendre la cantate de Bach qui s'intitule « Ich habe genug ». « Ich habe genug », ça peut s'entendre de deux manières. « J'en ai assez, j'en ai marre, j'en peux plus ». C'est comme ça, moi, que je l'entends. Ou bien c'est formidable tout ce que j'ai, j'en ai assez parce que c'est Dieu m'envoie des choses merveilleuses. Et tout ça, c'est sous la bannière du Dieu unique, et ça a quelque chose de très très angoissant. La cantate, on l'entendra tout à l'heure, oui. C'est bien celle-ci que vous avez choisie. Oui. Vous dites de cette pièce, cette tragédie met en scène une lutte sans merci entre le désir amoureux et le désir du martyr, entre le goût de la vie et l'attraction de la mort. C'est vrai que quand on a cherché, non pas à expliquer, voire moins encore à comprendre ce qui se passe dans notre société, ici même en France, ce jeune Paulieu, on le retrouve presque dans notre société aujourd'hui. Oui. On peut oser le dire. Vous dites d'ailleurs que ce mystère peut nous faire mieux comprendre aujourd'hui ce qu'il en est de cette passion effrayante. Parce qu'on est dans de la passion également. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais c'est une énigme en même temps. Hein. C'est une énigme intime, c'est-à-dire c'est bien sûr probablement des idéologies qui d'une certaine manière convainquent ces jeunes gens d'aller se jeter dans ces horreurs, enfin dans ces guerres épouvantables. Mais on sent que c'est encore d'un autre ordre. Il y a quelque chose d'un désir de sacrifice qui est propre, je crois, à l'être humain. Et on doit passer notre temps à défendre la vie contre ce désir de mort, je pense. Enfin, à tous les cas, c'est de les ramener à la vie est une chose très importante. Et c'est toute la question qu'on se pose, parce qu'il y en a quelques-uns qui vont revenir. Dans le dossier de presse, vous mettez en exergue une citation de Nietzsche. « Les martyrs furent un grand malheur dans l'histoire, ils séduisirent. » Ceci, il l'a écrit dans l'Antichrist. Mais oui, tout à fait. Et le mot « martyr » nous était devenu quand même très très lointain, et il est revenu vers nous à travers ce qui se passe aujourd'hui. Et oui, séduisir, c'est une horreur, il faut s'en défaire. Une pièce qui nous aide peut-être, dites-vous également, à mieux saisir la dimension d'intolérance et de destruction, quelles que soient les croyances, car effectivement, l'histoire nous a montré que ça a touché d'autres croyances, d'autres religions. Mais tout à fait, je pense que la question de la religion est à poser, comme ça, et à poser de façon politique aussi, enfin comment... Moi, je pense qu'il faut s'en méfier. Voilà. Une pièce pour 7 comédiens, et précisez-vous, 4 grands rôles qui dominent cette pièce. Peut-être oui. Nous les citer, parce que là, on parle de Paul Yeucht, le rôle important de la jeune femme dans l'histoire. Oui, Pauline, qui est un des plus beaux rôles de tout le théâtre cornélien. Vraiment, en effet. Et on voit en effet que Paul Yeucht se bat contre le désir, justement, qu'elle représente. Et ça, c'est très beau. Et c'est... Il y a un autre personnage qui est le Félix, le père de Pauline, qui est donc cette canaille politique, comme ça, de pur courtisan, qui est en même temps poursuit et opprime les chrétiens, et en même temps se courbe devant le pouvoir. C'est-à-dire là, un personnage drôle, d'ailleurs, les gens rient quand on entend comme ça ces déductions politiques, et son personnage... le collaborateur né, enfin le Dupont Saint-Aignan de la pièce, on dira. Voilà. Juste aussi en termes de mise en scène, on est dans la pièce, on le rappelle, elle se déroule au IIIe siècle, la pièce a été écrite au XVIIe siècle, et pourtant elle est toujours d'actualité, on vient d'en parler précisément, d'où la présence des comédiens, on va dire, en costume, non pas d'époque, mais en costume très contemporain d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est en costume contemporain, mais suffisamment dessiné et travaillé pour qu'on ait un sentiment d'une contemporanéité qui traverse, disons, le XXe siècle et le début de notre siècle. Donc on n'a pas de... Avec la langue de Corneille. Avec la langue de Corneille, sur laquelle on travaille avec mon collaborateur François Regnault depuis de très très nombreuses années, et qu'on dit avec que les acteurs disent et vivent avec une vivacité extrême et merveilleuse. Ça, c'est très beau d'être tenu par la langue et en même temps d'être entièrement dans un geste physique très très très contemporain. C'est ça la force et le plaisir que les spectateurs en ressentent. Il y a un quatrième personnage. J'ai cité Pauline, Paul Yeucht, Félix, donc le père, qui est Sévère, qui est un personnage qui était l'amant très aimé de Pauline, et qui revient, qui espère l'épouser, qui apprend qu'elle a épousé Paul Yeucht, et qui est le seul personnage qui soit pas pris dans cette violence de la religion, qui est plutôt, comment dire, qui représente une certaine tolérance dans la pièce. C'est vraiment une très grande pièce, c'est très compliqué de parler de tout comme cela, mais c'est... Ce qui est très intéressant à propos de Pauline, c'est que très longtemps, comme c'est une fille obéissante, elle a obéi à son père, sachant pourquoi. Le père ne voulait pas qu'elle épouse l'amant qu'elle aimait véritablement, parce qu'il n'était pas, il n'avait pas de statut social suffisant à ses yeux. Et elle a obéi quand même. Elle obéit chaque fois, et cette obéissance était montrée comme un modèle au XIXe siècle pour les filles. Les filles doivent être obéissantes, et donc ne pas suivre la force de leurs désirs, leur vérité, etc. Et c'est très intéressant de l'entendre aujourd'hui, où nous sommes quand même un peu libérés de cela, et voir aussi comment cette obéissance est aussi sacrificielle. Et c'est lié aussi à la religion, il n'y a aucun doute. Donc, je suppose, la femme de théâtre que vous êtes, forme une forme d'espoir quand vous destinez un spectacle comme ça, au tout public, mais j'imagine que vous avez l'espoir que les adolescents, les jeunes femmes, jeunes hommes, puissent aussi découvrir ce texte, cette pièce. Oui, il y en a eu beaucoup qui sont venus. Nous l'avons déjà joué quand même assez longtemps, et ils sont très très passionnés, très étonnants d'ailleurs, comme ils sont attachés à la pièce. Et je pense, cela dit, c'était vrai aussi pour tous les Corneilles que j'ai montés récemment, je pense que les personnages de Corneille sont jeunes, contrairement à ce qu'on croit. C'est des tout jeunes gens, et donc il y a une possibilité de projection de soi dans ce que vivent les acteurs sur la scène, et dans aussi la simplicité, si je puis dire, de leur, la façon dont qu'ils ont de jouer. Il y a quelque chose du corps comme ça qui est là, qui arrive et qui surprend les gens, parce que chaque fois qu'on pense à Corneille, on pense à un vieux barbon glaçant, et alors qu'en fait il n'a écrit que des pièces où des jeunes gens sont bouleversant. Enfin, c'est pas par hasard que le Cid reste encore une pièce montée constamment, et tous les jeunes gens adorent ça parce que c'est d'une audace inouïe. Vous nous rappelez le titre de la musique que nous allons entendre, la cantate de Bach? Alors, je me souviens plus du numéro de la cantate. Là, sur mes notes, j'ai pas le numéro. Alors bon, c'est simplement, elle s'intitule Ich habe genug, et elle est chantée par Dietrich Fischer-Dieskau. Un grand merci, Brigitte Jacques Wagemann. Je rappelle que cette pièce, Polyeucte, donc tragédie de Pierre Corneille, sera à l'affiche le mardi 23 mai à 19h30, le mercredi 24 mai à 21h30, jour de la nuit du théâtre, dont Jean-Joël Le Chapelain va nous reparler dans quelques instants. Ça se déroulera pour cette pièce à l'apostrophe Théâtre des Louvrais à Pontoise. Un grand merci à vous. C'est moi.